Mais bientôt, le roi est assiégé lui-même dans son camp par les morts réunis. Les mêmes maladies que l'intempérance de ses sujets transplantés et le changement de climat avaient attiré dans son camp en Égypte, désolèrent son camp de Carthage. Un de ses fils, né à Damiette pendant la captivité, mourut de cette espèce de contagion devant Tunis. Enfin, le roi en fut attaqué. Il se fit étendre sur la cendre en 1170 et expira à l'âge de 55 ans avec la piété d'un religieux et le courage d'un grand homme. Ce n'est pas un des moindres exemples des jeux de la fortune que les ruines de Carthage aient vu mourir un roi chrétien qui venait combattre des musulmans dans un pays où Didon avait apporté les dieux des Syriens. À peine est-il mort que son frère, le roi de Sicile, arrive. On fait la paix avec les morts et les débris des chrétiens sont ramenés en Europe.